A-Social. T-Toy. Ils veulent me mettre sur pause. Que je dose, ils ont trop chaud. J'ai déjà fait mes choices. J'éliminerai celui qui s'oppose. Je passe un coup de fil en vite fait. Des bangers, je fais en vite fait. Quand je le fais, t'as envie de faire. Mais quand c'est what, c'est pas bien fait. Oh shit, ah, ils veulent me faire. Mais j'ai trop de protection dans mon body. Oh yeah, ah, peux plus me taire. J'suis dans le wagon, c'est Chitai qui conduit. Technique comme Kanye, mais tu me vois en fou. Mais j'suis un génie quand j'y vais à fond. T'as mis des anneaux, tiens, en vrai, c'est toi le fou. Si t'as tendu le bâton, tu prendras des coups. N'en faut pas me chauffer. Tu parles cash, j'arrive méchant comme Sarko. N'en faut pas paniquer. J'suis pas un corrompu comme Soro. Fuck un Hobbs, fuck un Schmidt, fuck un Smic. J'te vends fou si t'es béton pour du shit. Mentalité Talbin, mentalité chiffre. Me lève le matin, j'ai pas tant de swing. Si t'essayes, je te mets ronc-croix. C'est pas de ma faute si t'as plongé. On avance, non, tombe pas. La route est longue, faut pas flancher. Si t'essayes, je te mets ronc-croix. C'est pas de ma faute si t'as plongé. On avance, non, tombe pas. La route est longue, faut pas flancher. Chaud, chaud. Sous-papa-pa. Sous-papa-pa. Sous-papa-pa. Sous-papa-pa. Sous-papa-pa. Si t'essayes, je te mets ronc-croix. C'est pas de ma faute si t'as plongé. On avance, non, tombe pas. La route est longue, faut pas flancher. Si t'essayes, je te mets ronc-croix. C'est pas de ma faute si t'as plongé. On avance, non, tombe pas. La route est longue, faut pas flancher. Sous-papa-pa. Sous-papa-pa. Sous-papa-pa. Sous-papa-pa. Sous-papa-pa. Super light. T-Toy.